soirée de la bourge où je me tue à Crouste. Fred Malibu, j'enchaînais les Ricard, petite fille de riche, où l'on s'en canaille. La tête au petit soin, le noyant sous les calots. N'a pas fallu un an avant qu'elle parle de marmots. Qu'elle se fasse un trip, dite de science-fiction, en rangeant un musky dans son salon. Ça fait. Soit ne rigole pas, je presse ta vue. Je profite de l'aide de toi pour me la couler tranquille. Soit ne rigole pas, je presse ta vue. Je profite de l'aide de toi pour me la couler tranquille. T'aimais pas mes amis, t'aimais pas mes tatouages. Je plairais pas les fonds, traînant dans ton sillage. Tu voulais que je change, que je choisisse un boulot. Tu sortais ça sans trait. T'es dans un bureau, mais moi j'aime trop la vie, surtout ma liberté. Finir comme le con que tu voulais que je devienne. Je garde mon cœur de chien, battant dans ma moitié. Je rêve pas pour une femme, moi jamais ce qu'il est. Sale folle. Ouais, mon choix ne rigole pas, je vous ai ta fille. Rock'n'la, je conviens pas, je peux faire rester tranquille. Et mon choix ne rigole pas, je vous ai ta fille. Tranquille, là, combien de fois je peux faire rester tranquille. Tranquille. Aïe, tranquille. Tranquille. Tranquille.